إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc الحمد لله si je me souviens bien on est dans le cours 37 dans les cours de al-munaffas al-fiqhi parce que ça fait longtemps qu'on a arrêté le dars depuis presque un an environ je crois donc on continue on a terminé kitab al-zakah Kitab al-Salah, et on a fait les chapitres qui avaient rapport avec Kitab al-Salah. Maintenant, on va commencer aujourd'hui, bi-idhnillah, bab fi mashru'iyyat al-zakah wa makanatiha. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a rapport avec les règles de la zakat et l'importance de la zakat. Donc, le livre de al-Zakah, c'est un livre qui est très important. On sait, comme le cheikh, il va nous montrer des exemples de ça, puis il va nous expliquer. Mais en même temps, c'est un chapitre qui est quand même assez compliqué, parce que c'est quelque chose qui contient des formes de calcul et des formes de proportions de zakat et tout ça. Donc, il faut quand même, prendre le temps de bien comprendre. Et il y a aussi des choses qui sont reliées avec certaines choses qui sont loin de certaines personnes, par exemple quand on parle de la zakat sur les bétails, sur le bétail, donc bien entendu celui qui n'a pas une ferme et qui n'a pas d'animaux domestiques ou bien c'est-à-dire des animaux de ferme comme par exemple les vaches ou les chèvres, les moutons, des trucs comme ça. Donc, quand on possède pas d'animaux, ben, on connaît pas vraiment les règles qui ont rapport avec ça, puisque ça nous concerne pas. De les connaître, de les comprendre, ça, c'est pas nécessaire pour la personne qui ne possède pas ces choses-là. Mais toutefois, c'est quelque chose qui est quand même bien de les connaître aussi. C'est comme on dit, mustahab pour la personne qui en possède pas, de le connaître, même si il en possède pas, il l'apprend dans le but de le comprendre, dans le but de le savoir. Donc ça, c'est toujours quand même quelque chose de bien. Donc on va commencer avec le texte tout de suite, inshallah, pour pas perdre de temps. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit: Babun fi mashru'iyyat al-zakat wa makanatiha. اعلموا وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له وما تجب فيه من الأموال فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة وقد قرنها الله بالصلاة في كتابه في 82 موضعا مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما حتى قال الصديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. وأجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراجها. Donc on va commencer par expliquer ce passage. C'est un chapitre qui explique le fait que la zakat a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sharia, et qui explique également son statut et son importance dans l'islam. Donc le cheikh il dit: sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le succès ainsi qu'à vous-même, qu'il faut connaître les règles détaillées qui ont rapport avec la zakat, de même qu'il faut connaître ses conditions, et aussi il faut comprendre aussi et clarifier à qui est-ce que la zakat est, pour qui est-ce que la zakat est obligatoire, et à qui est-ce obligatoire de donner cette zakat, et qu'est-ce qui est obligatoire dans les biens qu'on possède. C'est-à-dire sur quel parmi nos biens on doit payer cette zakat, et sur quel parmi nos biens il est obligatoire de payer cette zakat. Donc le cheikh il dit que la zakat c'est un des cinq piliers de l'islam, hein, c'est un des cinq piliers de l'islam, et ça a été prouvé par le Coran et la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on regarde dans les versets du Coran, il a associé ou relié ensemble la mention de la salat et de la zakat dans plus de 82 endroits ou 82 versets dans le Coran. Donc ça veut dire que dans 82 versets dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la salat, il mentionne tout de suite après la zakat. Et donc lorsqu'on comprend l'importance de la salat, eh bien le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est relié avec cette salat, la zakat, eh bien, ça nous montre l'importance de cette zakat. Et on voit aussi le lien qui existe entre ces deux formes d'adoration-là, entre la zakat et la salat. Et on voit le lien solide qui existe entre ces deux adorations-là. Et elles sont tellement reliées, ces deux adorations-là, c'est-à-dire c'est tellement à un tel point que le premier khalifa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, hein, Siddiq ou ahadihi l'umma, c'est-à-dire le véridique de cette umma, le premier parmi les khulafa al-rashidin, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il a dit: je vais certes combattre ceux qui ont séparé ou fait une distinction entre la salat et la zakat. Ça s'est rapporté par al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira dans Kitab al-Zaka et dans l'Iman aussi. Donc ça c'est un hadith, je pense que chacun d'entre nous on le connaît. C'est un hadith qui a rapport avec le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il... en fait c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a décidé de combattre ceux qui avaient refusé de payer la zakat. Okay? Et Abu Bakr était déterminé à les combattre. Et Omar ibn al-Khattab, de son côté, il n'était pas convaincu du fait qu'on devait les combattre. Et il a dit à Abu Bakr: comment tu peux combattre des gens qui ont témoigné de la ilaha illallah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Donc, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux les combattre alors qu'ils ont dit la ilaha illallah, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été ordonné ou on m'a commandé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah et qu'ils fassent la salat et qu'ils donnent la zakat. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils seront protégés contre moi dans leurs biens et dans leurs personnes, dans leur sein et dans leurs biens, excepté pour un droit de l'islam, et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, yani Abu Bakr, lorsqu'il a entendu ce hadith, il a dit, yani, il a répondu à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, que justement, ça, le fait de payer la zakat, c'est bihaqqiha illa bihaqqi l'islam, et ça, ça fait partie des droits de l'islam, des choses qui sont un droit, que Allah a ce droit-là sur nous, qu'on paye la zakat. Et il a dit, yani, je vais certes combattre ceux qui ont distingué ou qui ont fait une différence entre la salat et la zakat. Donc, c'était pour montrer l'importance de cette zakat. Et il mentionne le verset 43 dans sourate al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa rak'u ma'a ar-raki'in, et établissez la salat et donnez la zakat et prosternez-vous ou inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire faites la salat en jama'a. Et dans l'autre verset dans sourate at-Tawba, le verset 5, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. C'est-à-dire, et s'ils font at-tawba, c'est-à-dire s'ils se repentent en acceptant l'islam, c'est-à-dire s'ils se repentent du shirk et ils établissent la salat, c'est-à-dire ils font ils établissent la salat comme on l'a expliqué, et وأتوا الزكاة, et qu'ils ont donné la zakat, alors laissez-leur le chemin libre. Donc ça, c'est-à-dire que yani on voit un exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, comme dans 80 endroits dans le Coran comme on a mentionné, il y a le lien entre la salat et la zakat. Et il a mentionné par la suite un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également, selon Ibn Omar radiyallahu anhu. Et c'est un hadith qui est mentionné dans Al-Arba'un al-Nawawiyya, dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Et ce hadith-là, ça dit que l'islam a été bâti ou établi sur 5, c'est-à-dire 5 piliers. Le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadan Rasulullah, et l'établissement de la salat et le fait de donner la zakat. Et le cheikh s'est arrêté ici, n'a pas mentionné les 5 parce que il est arrivé au point où il a prouvé ce qu'il voulait prouver, c'est-à-dire l'obligation de la zakat. Donc il n'a pas continué à mentionner les autres piliers. Après il dit wa ajma'a al-muslimun, OK, ala fardiyatiha. Non seulement c'est prouvé, l'obligation de payer la zakat, c'est prouvé par le Coran et c'est prouvé par la sunna, mais en plus de ça, il y a une ijma, il y a un consensus sur le fait que la zakat est obligatoire. Et il y a un consensus également sur le fait que c'est le troisième pilier parmi les piliers de l'islam. Et que c'est kofr, c'est-à-dire c'est un acte de mécréance de renier son obligation. Ça veut dire que si quelqu'un essaie de rejeter le fait que cette chose est obligatoire, si quelqu'un nie l'obligation de la zakat, il devient kafir parce qu'il a renié quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans le Coran et qui est affirmé aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que il est obligatoire de combattre ceux qui refusent de sortir leur zakat, c'est-à-dire de payer la zakat. Et ça, c'est, yani, comme les ulama ont expliqué, comme c'est arrivé à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, il y a un groupe ou une portion parmi les gens qui avaient accepté l'islam, qui ont dit qu'ils refusaient de payer la zakat. Ils ont dit, on payait la zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais maintenant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, donc on ne la paie plus. Et Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il les a combattus pour ça. C'est-à-dire que si par exemple un groupe de la Ummah, une portion, ou une, disons un groupe de gens parmi les musulmans qui ont une force, hein, qui sont dans un pays musulman, qui font partie d'un pays musulman, qui refusent de payer la zakat, eh bien c'est du devoir du dirigeant musulman de ce pays-là de leur imposer de payer la zakat s'ils refusent de la payer, et s'ils continuent à refuser de la payer, dans ce cas-là, il doit les combattre. Et bien entendu, ça c'est dans un pays musulman et sous la dirigeance d'un dirigeant musulman. Ok. Ensuite, le cheikh il dit « وَفُرِضَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ النَّبَوِيَةِ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاء لقبضها وجبايتها ولإيصالها إلى مستحقيها ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. Donc le cheikh il dit que la zakat, bien entendu, elle n'a pas été obligatoire dès le début de l'islam, comme la plupart des obligations de l'islam, parce qu'on sait que pendant 13 ans, c'était la da'wa à la ilaha illallah à Mecca. Puis par la suite, à Medina, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les règles de l'islam. Et donc, c'est pendant la deuxième année du hijra, 2 ans après la hijra à la ville de Médine, la ville de Al-Madina Al-Munawara, ou on pourrait dire plutôt Al-Madina Al-Nabawiyya, parce que Al-Munawara c'est pas Thabit, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de confirmé, qu'on doit dire Al-Munawara, ça c'est pas le terme correct, on devrait plutôt dire Al-Madina Al-Nabawiyya, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est qu'est-ce qui est correct de dire. Donc, c'est ça. Durant la deuxième année de la hijra, la zakat a été commandée. Donc, c'était obligatoire de commencer à payer la zakat à partir de la deuxième année de al-hijra, al-nabawiyya. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les collecteurs de la zakat pour la prendre et la ramasser. Okay? Et as-su'a, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ou leur travail c'est de collecter la zakat. Et ce sont des gens, comme on les mentionne ici, as-su'a, ce sont des gens qui sont, disons, bien informés sur les règles de la zakat et qui connaissent les catégories de zakat et les proportions pour chaque catégorie de zakat qui est obligatoire pour les gens. Donc eux, ils étaient responsables d'aller chercher ça et de les rassembler et de les remettre ou les distribuer aux personnes qui les méritent, qui méritent cette zakat. Et on est comme si par exemple des gens ont du bétail, et bien eux ils vont aller, ils vont compter le bétail, ils vont analyser tout ça, puis voir qu'est-ce que la personne doit donner comme zakat sur son bétail. Ou si quelqu'un a des fruits ou certains fruits ou certains légumes, donc il va calculer la quantité de zakat qui est nécessaire pour cette personne, c'est-à-dire combien il doit payer, et puis c'est eux qui vont se charger de ramener cette zakat, les zakats qu'ils ont pris des gens, et de la ramener à ceux qui méritent cette zakat. Naam. Et ça, c'était c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à son époque. Et c'est également, ça que les khulafa rachidin ont suivi comme exemple également. Et également, après eux, les musulmans, siècle après siècle, ont continué sur cet exemple-là. Donc, c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des khulafa al-rashidin et des musulmans en général qui ont suivi par la suite. Ensuite, le cheikh il dit Wafi zakat ihsanun ila al-khalq. Wafi zakat ihsanun ila al-khalq wa hiya tuhratun lil-mal min ad-danas. وحصانة له من الآفات وعبودية للرب سبحانه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Donc ça c'est un verset donc qui explique certaines choses qui ont rapport avec les sagesses qui sont derrière la zakat. Okay. Donc le cheikh il dit que dans la zakat il y a le fait qu'on fait du bien aux gens, hein, on fait du bien pour les créatures parce que on donne aux pauvres, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, on leur donne de nos biens. Donc ça c'est un bien, et non seulement ça, mais c'est que c'est un bien aussi pour la personne qui la paye, hein. C'est un bien pour la personne qui paie sa zakat, parce que il y a dans le fait de payer la zakat une purification, ok. C'est-à-dire il y a une purification pour la personne qui la paye, il purifie ses biens. Et il mentionne un verset, hein, le verset 103, qui dit: prélève de leurs biens une sadaqa. Des fois, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala parle de la zakat en utilisant le terme sadaqa. Donc, quand on voit des fois, donc sadaqa, ça a rapport avec la zakat. Et parfois, sadaqa, ça a rapport aussi avec une aumône qui est volontaire et non pas la zakat. Donc, ça dépend du contexte. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et tu les bénis. Tatahhiruhum wa tuzakkihim biha. Et prie sur eux, hein, wa salli alayhim. Et prie pour eux, yani. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala est audient et omniscient, c'est-à-dire il a connaissance de toutes choses. Donc, ça c'est le verset que le chef a mentionné. Il dit: وَمِنْ ثَمَّ فَهِيَ تَطْهِيرٌ لِلنُّفُوسِ مِنَ الشُّحِّ وَالْبُخْلِ وَامْتِحَانٌ لِلْغَنِي حَيْثُ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ الْمَحْبُوبِ إِلَيْهِ. Donc le chef il dit que il y a donc dans le fait de payer la zakat une purification de tes biens et une purification de ton âme également, parce que tu purifies ton âme de l'avarice, hein, et le fait d'être avare et pingre lorsque tu es trop attaché à ton argent, tu veux pas partager, donc ça te purifie de ces défauts là qui font partie des défauts des êtres humains. Et aussi il y a dedans une épreuve et un test pour le pauvre, parce que il se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant sortir de ses biens une proportion bien calculée. وقد أوجبه الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou a rendu obligatoire la zakat dans les biens qui nécessitent qu'on s'en préoccupe, qu'on s'en occupe et qui augmentent. Des biens qui nécessitent qu'on s'occupe de ces biens-là et qui augmentent, et c'est-à-dire qui font du profit ou qui augmentent, c'est-à-dire qui augmentent par elles-mêmes. Comme par exemple le bétail, le bétail qu'on amène au pâturage, c'est-à-dire qu'on les fait brouter, on les fait manger dans le champ, c'est-à-dire on s'en occupe. De même que les champs, hein, comme par exemple quand on a des champs dans lesquels on fait des récoltes, soit de fruits, de légumes. Et qu'est-ce qui augmente également par le fait que on doit, travailler avec, dans le sens que il faut faire augmenter les profits, il faut travailler pour faire augmenter ses profits, comme par exemple qu'est-ce qui a rapport avec le commerce, ok, et le commerce de l'or ou de l'argent ou des biens qu'on vend, dans un magasin ou des choses comme ça. Donc, ça, ça a un rapport avec le commerce. Donc, si on veut faire du profit dans le commerce, bien entendu, il faut faire travailler cet argent-là. Et donc, quand on l'a fait travailler, ça implique qu'on fait du profit avec. Et donc, dans ce cas-là, c'est obligatoire de payer un zakat là-dessus. Puis, on va expliquer les détails de ça, bien entendu, dans les chapitres, inshallah, qui vont suivre. Le cheikh, il dit, « وَجَعَلَ اللَّهُ قَدْرَ الْمُخَرَّجِ فِي الزَّكَاتِ عَلَى حَسَبِ التَّعْبِ فِي الْمَالِ الَّذِي تُخْرَجُ مِنْهُ فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس. Donc ici, le cheikh explique un point qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi la proportion qu'on doit faire sortir de zakat de nos biens selon la fatigue qu'on retire ou selon la fatigue qu'on ressent lorsqu'on... C'est-à-dire, en fait, c'est que... il y a différentes proportions de zakat qu'on doit payer selon la catégorie de biens, d'accord, que ce soit le bétail, que ce soit l'or, que ce soit les récoltes dans les champs ou des choses comme ça, puis que ce soit aussi dans les choses qu'on trouve dans la terre, que ce soit les choses les trésors ou les choses qu'on peut retrouver dans la terre parfois. Donc, c'est vrai que comme on entend souvent quand on parle de la zakat, on dit que sur l'argent, sur les biens, on doit payer 2,5% de notre argent. Et ça, c'est pour l'argent, l'or et l'argent. Et on a inclus également là-dedans l'argent en papier qu'on utilise aujourd'hui, parce que c'est basé sur l'or et l'argent. Toutefois, il y a pour certaines autres catégories de biens des proportions différentes de zakat qu'on doit payer. C'est-à-dire que c'est pas 2,5% pour toutes les catégories de biens. Ça dépend selon la fatigue qu'on ressent ou selon la fatigue qu'on a qui nous arrive à force de travailler ou pour faire sortir ces biens-là. J'essaie de vous expliquer pour vous donner une petite idée. J'ai fait les calculs comme ça pour que ce soit plus facile à comprendre. Le chef Saleh Al-Fawzan, il a divisé les différents exemples qu'il a mentionnés sur 5 al-khumus, en les divisant en khumus pour que ce soit plus facile à comprendre comme proportion. Et donc, le cheikh dit que dans Ar-Rikaz, le Ar-Rikaz, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on trouve dans la terre? Que ce soit les trésors qui ont été perdus, qui ont été enfouis dans la Jahiliya, dans la période pré-islamique, ou bien qui ont été perdus, ou les trésors qu'on découvre dans la terre ou dans la mer, eh bien, souvent on les trouve et on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour les trouver, c'est-à-dire ils sont là, puis on n'a pas, donc c'est-à-dire c'est un bien qui nous vient, qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour l'acquérir, dans ce sens-là. C'est-à-dire on s'est pas fatigué beaucoup pour avoir ce trésor-là. Donc, sur ce genre de bien-là, la zakat qu'on doit payer, c'est pas 2,5%, c'est plus que ça. Parce que c'est un bien qui n'a pas nécessité de notre part beaucoup d'efforts pour l'acquérir. Hein? De même que le pétrole, ça rentre là-dedans, si je ne me trompe pas, on va le voir plus tard. Ou des choses qu'on trouve en dessous de la terre, que ce soit un trésor enfoui ou quelque chose comme ça. Des fois, on retrouve enterré, des fois ils font des sites dans les sites archéologiques, ou dans certains endroits, des fois, il y a des gens qui creusent dans leur cour, dans leur maison, ou bien quelque part. Et puis, sans le vouloir même, ils tombent sur un trésor, ou sur une, quelque chose qui avait été enfoui, puis des fois c'est de l'or, des fois c'est des bijoux, des fois c'est des choses qui ont une grande valeur, et ces biens-là, ils ont une valeur, mais tu n'as pas fait beaucoup d'efforts pour les avoir, donc tu donnes dessus al-khumus, et al-khumus c'est un cinquième, et ça équivaut à 20%, donc tu dois payer 20% de zakat sur al-rikaz. Maintenant, le cheikh il donne l'autre exemple à la suite, c'est ma suqiya min tarafin wahid, c'est-à-dire en ce qui concerne les choses qui ont rapport avec les récoltes, c'est-à-dire que ce soit les récoltes des fruits ou des légumes, et on va expliquer que c'est pas tous les fruits et ce n'est pas non plus tous les légumes qui sont concernés. On va voir que c'est uniquement ceux qui se préservent. Hein. Donc ces récoltes-là, eh ben la proportion de zakat qu'on doit payer sur ces récoltes, ce n'est pas 2,5%. Ça dépend en fait la fatigue ou le niveau d'effort qu'on a fourni pour avoir ces récoltes-là. Donc si elle a été arrosée, ce champ-là a été arrosé d'un seul côté, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a arrosé par la pluie, sans qu'on ait arrosé nous-mêmes, donc dans ce cas-là on doit payer 10%, nisf al-khumus, la moitié d'un cinquième, donc on doit payer 10%. Pourquoi? Parce que on n'a pas arrosé par aucun moyen mécanique ou par nous-mêmes, mais il a été arrosé, ce champ-là, naturellement par la pluie. Donc, étant donné qu'on a fait moins d'efforts, on paie plus de zakat. Mais si on l'a arrosé par nous-mêmes, en plus de la pluie, dans ce cas-là, on paie moins. On paie rub al-khumus, c'est-à-dire un quart d'un cinquième. Et ça veut dire, en fait, c'est un vingtième au lieu d'un dixième. Hein? Ou c'est 5% au lieu de 10%, parce que nisf al-khumus, la moitié d'un cinquième, ça équivaut à un dixième ou 10%, et ça c'est qu'est-ce qui a été arrosé par la pluie uniquement. Mais pour qu'est-ce qu'on a arrosé nous-mêmes, là dans ce cas-là c'est la moitié, c'est-à-dire c'est le quart d'un cinquième, c'est-à-dire un vingtième, et ça équivaut à 5%, d'accord. Et pour l'argent et l'or, c'est-à-dire l'or et l'argent et les biens qu'on possède et qu'on utilise pour vendre, c'est-à-dire qu'on fait du commerce avec, euro de tijara, sur ce bien-là c'est thumun al-khumus, c'est-à-dire un quarantième, c'est-à-dire un huitième d'un cinquième, hein, c'est-à-dire ça équivaut à un quarantième qui équivaut à 2,5% de nos biens. On voit que ici la proportion qu'on doit payer de zakat est très faible, 2,5% c'est pas grand-chose. Et la raison de ça c'est parce que pour arriver à faire de l'argent et du profit avec l'or et l'argent et le commerce, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et donc, étant donné que ça demande plus de travail, eh bien, la quantité de zakat qu'on doit payer est moins grande. Donc, comme le cheikh il l'explique dans ce passage-là, il essaie de nous faire comprendre que il y a une sagesse dans la proportion de zakat qu'on paye. C'est-à-dire plus que tu fais des efforts pour avoir des profits dans les biens que tu possèdes et dans les catégories de biens qui nécessitent qu'on fasse sortir la zakat dedans, et bien plus on fait d'efforts dedans et plus la zakat est, ou la proportion de zakat qu'on doit payer est moindre. Et plus le travail qu'on fait, moins l'effort est grand, ben plus grande est la proportion de zakat qu'on doit payer. Donc ça c'est pour ce point. وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال. فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé zakat parce que ça vient de la purification, hein. Zakat ça veut dire la purification. Et donc tuzakkin nafs, elle purifie l'âme et les biens. Et ce n'est pas une amende, hein, ou une taxe, hein. Ce n'est pas une amende que quelqu'un doit payer parce qu'il a fait une infraction quelconque. Et ce n'est pas non plus une taxe comme on paye des taxes à un roi ou à un état. Dans l'islam, il n'y en a pas de choses comme ça. C'est une adoration qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les taxes et les gharama, c'est-à-dire les amendes, bon, ces choses-là, ça fait diminuer tes biens, puis ça te fait du tort en réalité. Tandis que la zakat, c'est le contraire. La zakat ne fait pas diminuer tes biens. Au contraire, elles font augmenter tes biens, même si tu t'en aperçois pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ma naqasa malun min sadaqa », c'est-à-dire les biens ne sont jamais diminués à cause d'une sadaqa. Et ça c'est rapporté selon Abi Kabsha par Ahmad al-Tirmidhi et également il y a une autre version ما نقصت صدقة من مال, hein? C'est la même signification mais sauf que la phrase est pas dite de la même façon. ما نقصت صدقة من مال, c'est-à-dire une sadaqa ne fait jamais diminuer les biens. Et c'est rapporté selon Abi Huraira dans Sahih Muslim et également par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi. Donc c'est un hadith qui est sahih. Et donc ça nous fait comprendre que lorsqu'on paie notre zakat, ça ne fait pas diminuer nos biens, au contraire, ça les fait augmenter d'une façon même que certaines fois on ne peut pas s'en apercevoir, mais bien entendu, c'est-à-dire que ça amène la purification dans nos biens et ça amène une baraka dans nos biens. Et ça augmente nos biens. Le cheikh il dit « وَالزَّكَاتُ فِي الشَّرْءِ حَقٌ وَاجِبٌ فِي مَالٍ خَاصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار وحصول ما تجب فيه من العسل واستخراج ما تجب فيه من المعادن وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. Donc le cheikh il dit que la zakat dans la sharia, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un droit qui est obligatoire dans nos biens. C'est-à-dire, c'est un droit qui est obligatoire dans un bien particulier. Hein, pas n'importe quel bien, un bien particulier. Et c'est pour un groupe bien précis et particulier, un groupe spécifique. C'est-à-dire, on doit la payer pas à n'importe qui. On ne doit pas la donner à n'importe qui. Il y a des groupes ou il y a des catégories de personnes bien spécifiques à qui on doit payer cette zakat, d'accord? Ça, on va en parler plus tard. Et il y a un moment spécifique aussi pour la payer, c'est-à-dire que cette zakat, on la paye pas n'importe quand, à n'importe quel moment. Non, il y a un temps bien précis pour la payer. Et c'est ce qu'on appelle al-hawl, tamam al-hawl. Et al-hawl, ça veut dire l'année, c'est-à-dire il faut que ça, que ton bien, que ce soit, c'est-à-dire tu commences à la zakat commence à être obligatoire pour une personne après qu'il a eu son bien pendant une année. Et l'année, ça c'est pour le bétail, et c'est pour l'argent et les choses que tu possèdes dans le but de faire du commerce avec. Mais pour les fruits et les légumes, c'est pas la même chose. Pour les fruits, c'est lorsque les graines sont sorties et qu'on a vu que les fruits sont corrects, sont prêts à être récoltés. Donc à ce moment-là, c'est obligatoire de sortir la zakat pour les fruits et pour les choses qui ont rapport avec la récolte. وحصول ما تجب فيه من العسل. Aussi lorsque on a reçu la récolte du miel, c'est-à-dire lorsque, parce que dans le madhhab de l'imam Ahmed, il y a la zakat du miel. Dans les autres madhhab, ils n'ont pas considéré la zakat obligatoire comme étant obligatoire pour le miel. Toutefois, dans le madhhab de l'imam Ahmed, il a amené certaines athar qui montrent que pour lui c'était obligatoire de payer la zakat sur le miel. Mais bon, il y a des catégories comme ça de zakat, certaines catégories comme par exemple le miel et l'or que les femmes possèdent, qu'elles utilisent comme l'or sur les bijoux des femmes. Et bien, entre les ulama, il y a des différences d'opinion là-dessus, est-ce que c'est obligatoire ou non. C'est pas tous les ulama qui sont unanimes ou d'accord sur l'obligation de la zakat sur ces biens-là, mais ça on va y revenir plus tard, inshallah. Donc c'est ça. Et واستخراج ما تجب فيه من المعادن. Donc pour les choses qui sont sous la terre, c'est obligatoire de payer la zakat dedans lorsqu'on le fait sortir. Al-ma'adin. S'il parle des ma'adin dans le sens des métaux, des métaux précieux. Dans ce cas-là, bon, bien entendu, c'est après un an, comme l'or et l'argent. Wa ghurub ash-shams, laylat al-'id. Ok. Et pour la zakat al-fitr, avant la prière de l'Aïd, il faut faire sortir la zakat, c'est-à-dire après le coucher du soleil, lorsque la nuit de Eid commence, c'est là qu'on doit commencer à faire sortir la zakat. Mais ça, on va en parler à la fin, quand on va parler de zakat al-fitr. Parce qu'il y a une partie où il y a un chapitre qui parle de zakat al-fitr. Ok. Là, le cheikh dit, « وَتَجِبُ الزَّكَاتُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوتٌ خَمْسَةٌ. » Et la zakat est obligatoire pour le musulman lorsque 5 conditions sont respectées. D'accord? Donc là, on va expliquer ces 5 conditions-là. La première, c'est Al-Hurriya. Il faut être libre, une personne libre, c'est-à-dire, c'est pas obligatoire pour l'esclave. Fala tajibu ala mamlouk. Li'annahu la mala lahu. Wama biyadihi mulkun li sayyidihi. Fatakunu zakatuhu ala sayyid. Donc, le cheikh, il dit que pour l'esclave, il n'a pas de bien qui lui appartient. Tout ce qu'il possède appartient à son maître. Et donc, sa zakat est obligatoire pour son maître et non pas pour lui. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما فلا تجب على كافر بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة والكافر ليس من أهل القربة والطاعة لأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا فمحل خلاف بين أهل العلم وفي حديث معاذ رضي الله عنه فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم ذكر الصلاة ثم قال فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. Donc ici le cheikh il dit que deuxième condition pour que la zakat soit obligatoire pour un individu, il faut que cet individu soit musulman. Si la personne est kafir, la zakat n'est pas obligatoire pour lui parce qu'il n'est pas ordonné de la donner, puisqu'il est kafir. Et la zakat, c'est une adoration qu'on fait dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le kafir ne fait pas partie des gens qui se rapprochent à Allah ou qui obéit à Allah. Hein? Et il faut avoir premièrement l'intention de le faire dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le kafir ne rentre pas dans cette condition-là. أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا فمحل خلاف بين أهل العلم. Le Cheikh il dit, en ce qui concerne le fait que la zakat est obligatoire pour lui, pour le kafir, dans le sens qu'il est commandé de la payer et qu'il sera puni dans l'au-delà d'un châtiment particulier pour ne pas l'avoir payé, ça, il y a une différence d'opinion à ce sujet-là entre les ulama. Et dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, quand il a été envoyé au Yémen, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'inviter les gens à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ou de les inviter au shahada de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et ensuite il a dit, s'ils acceptent, alors dis-leur que ils doivent faire la salat, hein. Et ensuite il a dit, s'ils acceptent ça, alors dis-leur que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné pour eux une sadaqa, c'est-à-dire la zakat. Allah a commandé, leur a commandé ou leur a ordonné de donner la zakat. C'est une somme d'argent ou c'est un bien qu'on prend des gens qui sont riches parmi eux et qu'on remet à ceux d'entre eux qui sont pauvres. Et ça, c'est apporté, bien entendu, dans Al-Bukhari ou Muslim, selon Ibn Abbas. Et c'est le hadith qui est très connu de Mu'adh ibn Jabal quand il a été envoyé au Yémen. Donc, le cheikh, il cite ce hadith-là, puis après, il dit comme conclusion, on voit dans ce hadith-là que l'islam est une condition pour que la zakat soit obligatoire. Donc, si quelqu'un n'est pas musulman, eh bien, la zakat ne sera pas acceptée de lui, même s'il la donne, et il n'est pas, c'est pas obligatoire pour lui. Après, le cheikh, il donne comme troisième condition, imtilak ou nisab. Fala tajibu fima duna nisab. Wa huwa qadrun ma'lumun min al-mal, ya'ti tafsilu. سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا لعموم الأدلة. Donc la troisième condition, c'est que il faut que les biens de cette personne aient atteint, qu'est-ce qu'on appelle en arabe un nisab, c'est-à-dire il faut que ces biens-là aient atteint le montant minimum à partir duquel il est obligatoire pour une personne de commencer à payer la zakat. Et en dessous de ce montant qu'on appelle nisab, il n'y a pas d'obligation pour une personne de payer la zakat. Et c'est une proportion de nos biens qui est expliquée, qu'on va expliquer en détail dans les pages qui vont suivre. Et il faut savoir une chose, c'est que la personne ou le musulman qui possède le nisab, il doit payer la zakat sur ses biens, peu importe son âge, c'est-à-dire qu'il soit très vieux ou très très jeune, même si c'est un enfant, tant que c'est son bien, c'est sa propriété, c'est sa possession, même s'il est petit encore, même s'il ne peut pas lui-même, en jouir de cet argent-là parce qu'il est trop jeune pour pouvoir l'utiliser, il doit quand même payer sa zakat. Même s'il est, il a ses facultés intellectuelles qui sont déficientes, c'est-à-dire il est fou ou bien il n'a pas la raison, eh bien, il doit quand même payer la zakat. Et les gens qui sont responsables de lui doivent faire sortir la zakat de ses biens pour lui. Ça c'est la troisième condition. La quatrième condition, الشرط الرابع استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. الشيخ il dit que comme quatrième condition, il faut que la propriété de ce bien-là soit établie et qu'elle ne soit pas, il faut que les biens de ce bien-là soient à une personne bien précise et qu'il faut que ce bien-là soit avec toi et que ce ne soit pas relié au droit d'une autre personne que toi. Dans le sens que, par exemple, supposons que tu as une somme d'argent que tu as prêtée à quelqu'un et vous avez écrit cette dette, hein, vous avez écrit ça sur un papier ou vous avez fait un contrat, hein, pour ce prêt-là, et cette personne, il t'a dit, par exemple, je vais te remettre l'argent à telle date. Mais donc, l'argent, quand il l'a en sa possession, elle n'est plus en ta possession à toi. Et donc, tu ne vas pas payer de zakat sur cet argent-là, parce que tu ne l'as pas en ta possession. Et la personne pourrait venir, lorsque le moment arrive, et s'excuser en disant, par exemple, aujourd'hui ou en ce moment, je ne suis pas capable de te remettre ton argent, je ne l'ai pas encore. Donc, dans ce cas-là, tu vois que, par exemple, cette somme d'argent, tu ne peux pas la calculer dans le montant que tu dois payer de zakat. Donc, ça, c'est le quatrième point, que l'argent doit être en ta possession. الشرط الخامس مضي الحول على المال لحديث عائشة رضي الله عنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجة وروى الترمذي معناه. Donc ici le cheikh il dit que comme cinquième condition, il faut que les biens, ce bien là, il faut qu'il y ait eu al-hawl, il faut que ça fasse une année que tu possèdes ce bien. Et il n'y a pas de zakat pour un bien qui n'a pas passé une année. Ça c'est rapporté dans un hadith selon Aïcha radiallahu anha, et ce hadith est rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi. Et Ibn Majah, c'est le hadith 1792, et le hadith de At-Tirmidhi, il est selon Ibn Omar, et c'est le hadith 630 et 631. Pour ceux qui veulent retourner vérifier à ce sujet-là. Le cheikh il dit ensuite وفي هذا وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيه الحول وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النما فيها. Le cheikh il dit que quand on a parlé de l'année, qu'il faut que ça fasse une année complète, ça n'a pas rapport, ou ça n'inclut pas les fèves ou les graines ou les fruits, d'accord, qui sortent de la terre, les récoltes. Parce que qu'est-ce qui sort de la terre, c'est obligatoire de sortir la zakat lorsqu'il sort, et on ne regarde pas l'année. Ça veut dire s'il y a deux récoltes par année, eh ben ça va être à ce moment, au moment de la récolte, que tu dois sortir la zakat de ces biens-là, d'accord. Et bien entendu, pourquoi? Parce que supposons que, contrairement aux biens, comme par exemple l'argent, l'or, le bétail et les biens qu'on a pour vendre. Ça, lorsque l'année arrive, tu calcules ce que tu possèdes et tu donnes la zakat de ce que tu as à partir de ce moment-là, lorsque tu as le nisab. Toutefois, les fruits, si l'année arrive, que ça, le moment arrive que ça fait une année maintenant, et que les fruits ne sont pas encore arrivés au moment de la récolte, et que tu dois sortir la zakat, eh ben, c'est compliqué, c'est plus compliqué à sortir dans ce temps-là, puisque les fruits sont pas encore sortis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par, disons, miséricorde pour le propriétaire de ces biens-là, eh ben, il a attendu pour que la récolte soit bien, les fruits soient bien sortis, etc. Puis là, tu peux sortir la zakat. Peu importe que ça fasse une année ou non. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول أو ابتدى الحول من تمامها النصاب. الشيخ يقول disons, les bêtes que tu possèdes, comme les bêtes que tu possèdes comme bétail, de même que les profits du commerce que tu possèdes, eh ben, ils ont pas, c'est pas nécessaire qu'ils aient, qu'on calcule pour ces profits-là, ou pour les bébés ou les progénitures des bétails, comme les bétails se reproduisent, hein, lorsqu'ils ont des enfants ou des petits. Donc, c'est pas nécessaire de calculer une année. Mais s'il parle de nataj, je sais pas s'il parle des progénitures ou bien s'il parle des biens qui sortent de ces choses-là, mais bon, d'après ce que j'ai compris, moi, qu'est-ce qui sort de la reproduction des bêtes et des profits qu'on fait dans le commerce. C'est pas nécessaire de calculer une année spéciale pour les profits. C'est-à-dire, tu regardes la base, hein, du capital, et tout le profit qui sort de cette base-là fait partie de cette, rentre dans l'année de la base de ces biens-là. C'est pas nécessaire que tu calcules à partir, c'est-à-dire pour les profits, une année, une autre année, où tu commences à calculer l'année à partir des profits. Non, tu regardes à la base des biens, puis les profits qui sont venus de ces biens-là rentrent dans la même année que le capital de base. Donc ça, c'est ce que le cheikh a expliqué ici. Et après il dit « وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مُعَسِّرٍ على معسر pardon فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح وإن كان له دين على ملء باذل فإنه يزكيه كل عام. Le cheikh il explique ici que si tu as une dette envers quelqu'un, plutôt que quelqu'un te doit de l'argent, mais que cette personne-là est en difficulté. Donc, tu sors l'argent de la zakat de ces biens-là pour l'année, pour une année seulement. C'est-à-dire pour l'année dans laquelle la personne te remet l'argent. D'accord? Et si la personne à qui tu as prêté l'argent, c'est pas une personne qui est en difficulté, c'est une personne qui a de l'argent et qui est capable de te le remettre, dans ce cas-là, tu dois payer la zakat pour chaque année que la personne a eu ces biens-là. Naam. Et ensuite il dit وَمَا أُعِدَّ مِنَ الْأَمْوَالِ لِلْقُنْيَةِ وَالْاِسْتِعْمَالِ فَلَا زَكَاتَ فِيهِ كَدُورِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَذْلَةِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَالسَّيَّارَاتِ وَالدَّوَابِ الْمُعَدَّةِ لِلْرُكُوبِ وَالْاِسْتِعْمَالِ. Donc, le cheikh, il dit que tout ce qui a tout ce que tu possèdes de bien, que tu l'as pour utiliser toi-même, comme pour utilisation personnelle, eh bien, il n'y a pas de zakat dedans. Tu ne dois pas payer de zakat sur qu'est-ce que tu utilises. Comme par exemple, si tu as une maison que tu habites dedans, ou des vêtements que tu portes, ou tout ce qu'il y a dans ta maison comme meubles, ou des voitures, ou des animaux que tu possèdes, non pas comme bétail pour... non pas comme bétail que tu fais que tu amènes au pâturage, des trucs comme ça, mais que tu utilises pour monter, comme par exemple un cheval que tu montes, ou bien entendu il n'y a pas de zakat pour les chevaux, mais comme supposons un chameau, hein, quelqu'un qui aurait un chameau qu'il utilise comme moyen de transport, ou bien par exemple des vaches qu'il possède, mais pas pour la viande de ces animaux-là, ou pour le lait, ou pour des choses comme ça, mais qu'ils possèdent dans le but de travailler, comme par exemple pour labourer les champs ou des trucs comme ça. Donc sur ces genres de biens-là, il n'y a pas de zakat. وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. الشيخ الذي qu'est-ce que tu possèdes et que tu l'utilises comme pour louer, c'est-à-dire tu le loues, comme par exemple tu as des voitures, tu as des propriétés comme des magasins ou des maisons, et que tu les loues à des personnes, il n'y a pas de zakat à la base pour ces biens-là. Toutefois, tu dois payer la zakat de leur loyer, hein, les loyers que tu retires, hein, les loyers que tu reçois de ces biens-là que tu possèdes et que tu loues, eh ben, tu dois payer la zakat des loyers que tu retires de ces biens-là. Lorsque ça atteint le nisab et que ça fait un an, hein, donc tu dois payer la zakat pour les loyers. Après le cheikh dit ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء رواه البخاري ومسلم وغيرهما فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت لأنها حق واجب فلا يسقط بالموت وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. Le cheikh il dit que supposons que quelqu'un il a le bien ses biens ont atteint le nisab et ça fait un an qu'il la possède, mais qu'il meurt et qu'il n'a pas sorti sa zakat. Donc, c'est quand même obligatoire pour lui qu'on fasse sortir la zakat pour lui à partir de ses biens qu'il a laissés. Et ça, cette obligation-là ne tombe pas à cause de la mort, d'accord ? Et c'est comme une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, La dette qui mérite le plus d'être réglée, c'est la dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas. Et donc, dans ce cas-là, les héritiers, ou d'autres, parmi les personnes qui sont là, peuvent faire, ou doivent faire sortir la zakat des biens que cette personne-là a laissés. Parce que c'est un bien, un droit obligatoire, et donc la mort ne peut pas le faire tomber ce droit-là. Et ça, c'est un droit qui est sur le dos de ce mort-là, et donc il est obligatoire pour la personne qui est son héritier ou autre de faire sortir ce droit-là qui est sur cette personne. Donc ça c'est en ce qui a rapport avec les questions qui ont rapport avec l'obligation de la zakat. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah et on continuera demain bi'ithnillah. On va faire la question de la zakat des bêtes, hein, des bétails. On va parler de la zakat des différentes catégories de bétail et qu'est-ce qui est obligatoire à payer au sujet des bétails et les différentes catégories et puis les proportions qu'on doit payer de zakat pour chacune de ces catégories-là. Ça, c'est pour demain, inch'Allah. Donc, j'espère que ça a été bénéfique pour vous tous et puis on se retrouve inshallah demain pour continuer ce chapitre sur la zakat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Malheureusement, je ne vais pas être en mesure de répondre à aucune question sur le chapitre de la zakat parce que bien entendu je ne suis pas spécialiste dans les détails de ces questions là. Si quelqu'un a des questions plus détaillées sur les sujets dont on parle aujourd'hui, ben c'est toujours quand même possible de les envoyer puis de les demander, de les poser au ulama, hein? Sinon ben si je suis capable de répondre à, de poser ces questions là à certains d'entre les chouyours pour voir si je peux trouver des réponses pour vous. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, je pourrais essayer de transmettre vos questions pour vous si j'ai l'occasion de le faire. Donc, on va s'arrêter ici pour l'instant, puis on continuera demain. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh.